Comment direz-vous « Veulent-ils tous des livres ?» en sachant qu'il est inutile de traduire « des ». « 他们都要书吗?»« Veulent-ils tous des livres ?»« 他们都要书吗?» Et si vous voulez répondre « non », comment direz-vous « ne pas vouloir ?»« 不要。» Très bien, vous avez utilisé le trampoline. Donc, « ils ne veulent pas » ou « ne pas vouloir ?» Pou yao. Maintenant, dites-moi, l'étudiant veut un professeur, sans traduire le un. Sui sheng yao. Lao shi. L'étudiant veut un professeur. Sui sheng yao lao shi. Je veux vraiment un professeur. Je veux vraiment un professeur. 我真的要一个老师。 Comment dites-vous je? 我 Je veux vraiment un professeur. 我真的要一个老师。 Et maintenant, dites-moi, je veux qu'ils lisent tous un livre. Et vous n'avez pas besoin de traduire le « que » ni le « un ». Il suffit de dire littéralement, je veux ils tous lire livre. Alors commençons par « je veux ils ». Wo yao ta men. Tous lire livre. To kan shu. Je veux qu'ils lisent tous un livre. Wo yao ta men to kan shu. Maintenant dites, pourquoi voulez-vous un bon professeur? Et cette fois-ci en traduisant le 1. Wei shen me. Ni yao, yao yi ge hao lao shi ma. Oh, pas de ma parce qu'il y a pourquoi devant. Pourquoi voulez-vous un bon professeur? Wei shen me ni yao yi ge hao lao shi. Je veux un bon professeur parce que je veux parler chinois. 我要好老师，因为我要说中国中文。 Je veux un bon professeur parce que je veux parler chinois. 我要好老师，因为我要说中文。 Nous voulons tous ce livre. 我们要。 Nous tous voulons ce livre. 我们都要这个书。 Comment dites-vous je? 我 我 Oui, et comment dites-vous nous? 我们 C'est men avec un point fermé, dont neutre. 我们 C'est bien. 我们都要这个书。 Oui, rappelez-vous ma petite histoire du début, là. Hein. Vous voyez arriver un énorme gâteau en forme de cœur rouge. Vous êtes très impressionné. Et vous laissez échapper un... Wow. Wow. Reprenons. Nous voulons tous ce livre. 我们都要这个书. Dites-moi, je veux une petite amie française. En traduisant le « une » cette fois-ci. 我要一个法国女朋友. Je veux une petite amie française. 我要一个法国女朋友. Tu veux probablement mon livre. Alors, comment dites-vous probablement? De gai. Il faut dire da gai. Da gai. Oui, rappelez-vous ce qu'on avait dit auparavant. Il vaudrait probablement mieux manger le ta gai, resté au congélateur avant la reprise de la chasse. Et pourquoi pas faire des cailloux choux. Donc, reprenons. Probablement. 大概. Tu veux mon livre. 你要我的书. Tu veux probablement mon livre. 大概你要我的书. Je veux son livre. Je ne veux pas ton livre. 我 要他的书，我不要你的书. Je veux son livre, je ne veux pas ton livre. 我要他的书，我不要你的书. Et maintenant dites, qui veut un livre? Sans insister sur le 1. Qui veut un livre? Qui veut un livre?